prendre ces paroles ce matin. Ces deux paraboles que nous connaissons bien, parabole de la miséricorde dans l'évangile de Saint-Luc, l'évangile de la miséricorde. Et ce matin, vous voyez, nous retrouvons Jésus encore sur les routes de la Terre Sainte et il est entouré, vous l'avez vu, de qui ? De tous les pécheurs et tous les publicains. Ça, c'est formidable. Vous voyez comme c'est merveilleux. Jésus se promène sur la Terre Sainte et lui, vous voyez, il n'envoie pas de carton d'invitation aux gens parfaits pour que les gens viennent, aux gens bien comme lui, aux gens bien cathos. Il envoie les cartons d'invitation aux pécheurs et aux publicains, à ceux qu'on ne veut pas voir dans les églises, ceux qu'on aimerait bien voir bien loin, loin de nous. Eh bien, c'est tout le contraire que Jésus fait, vous voyez, il attire à lui ces gens-là. Parce que son cœur déborde de miséricorde et que ces pauvres pécheurs et ces pauvres publicains sont attirés par le cœur de miséricorde de Jésus. C'est eux qui viennent, c'est eux qui viennent. Ils s'approchent de lui, ils sentent cet amour incroyable que Jésus a pour tous, pour tous les hommes, et en particulier pour ceux qui sont perdus. Et vous voyez, ça n'est pas pour rien que Jésus prend cette parabole de la brebis perdue. Parce qu'en réalité, le pauvre pécheur, vous voyez, quand on dit « priez pour nous, pauvres pécheurs », c'est bien que le péché et le pécheur est un pauvre, et quelqu'un que l'on doit plaindre, et quelqu'un pour qui on doit avoir pitié, parce qu'il est perdu, comme une brebis qui s'est égarée, qui croyait définir elle-même son bon chemin pour aller jusqu'au ciel et qui en réalité est tombée dans le ravin. Pauvre pécheur. Et voyez, le cœur de Dieu reste un cœur de père, le cœur de Jésus a le même cœur que Dieu, et quand il voit sa créature tomber dans un ravin, que fait-il ? Eh bien, il va la chercher. Et il essaye de l'attirer à lui par des trésors d'amour, de miséricorde, de bonté. Alors, frères et sœurs, il faut que nous comprenions bien cela. Si nous voulons que notre vie soit pleine de la joie du ciel, pas les joies futiles de la terre, si nous voulons que notre vie soit remplie de cette félicité du ciel que Jésus essaye de nous transmettre ce matin, il faut d'abord que nous laissions l'Esprit Saint nous montrer en quoi nous sommes perdus. Vous voyez, très souvent, je parle aux hommes et aux femmes autour de nous et je leur dis, ben voilà, nous avons un sauveur. Mais sauver, oui, mais de quoi ? Et je me rends compte que je suis bien démuni parce que je ne sais pas expliquer. Parce qu'on peut l'expliquer, bien sûr, on peut l'expliquer, je sais faire. Mais je ne sais pas toucher le cœur. Je ne sais pas comment faire pour montrer aux hommes et aux femmes, à vous comme à moi, que je suis perdu, que nous sommes perdus, que nous avons besoin de la miséricorde. Bien souvent, nous nous prenons pour des gens parfaits, un peu trop. Nous n'avons pas besoin du pardon de Dieu. Nous sommes comme il faut et nous avons bien notre place dans l'Église. Alors qu'en réalité, si nous voulons entrer dans la joie de l'Évangile, si nous voulons goûter à cette joie que Dieu veut nous communiquer, il faut que nous acceptions de voir que, bien que nous ayons notre place dans l'Église, nous sommes de pauvres pécheurs qui avons besoin de la miséricorde. Heureux l'homme qui reconnaît son péché, qui est peut-être accablé à un moment donné par la gravité de ce qu'il a fait, des petites peccadilles qu'il voyait au départ, mais que l'Esprit Saint lui montre à quel point elles ont offensé Dieu, ces peccadilles. Et qui alors peut se laisser toucher par la miséricorde, s'approcher du Seigneur et recevoir le pardon. Frères et sœurs, il me prend un rêve ce matin d'imaginer notre Église remplie de tous ceux qu'on ne voit jamais à l'Église, remplie de tous ceux qui sont aux alentours de nous et qui sont tous des pauvres pécheurs. Voyez tous ces hommes et ces femmes qui peut-être blasphèment au cours de leur journée, qui peut-être se droguent, ont des comportements complètement inappropriés, qui sont complètement perdus. mais qui sentent ici dans cette Église, à travers la présence de Jésus, à travers aussi votre présence à vous, pauvres pécheurs pardonnés, qu'ici, il y a une source de miséricorde qui peut rassasier leur cœur froid, vide, leur cœur qui cherche un pardon. J'imagine ici le dimanche, cette église remplie de personnes qui viennent à genoux se frapper la poitrine en demandant au Seigneur pardon, pardon pour mes péchés, et en sachant et en recevant cette miséricorde à travers la parole de Dieu, à travers la parole du pauvre prêtre que je suis, et à travers surtout le regard plein d'amour de tous les frères et sœurs qui sont ici. Frères et sœurs, j'imagine cette église. Eh bien, voyez, je suis convaincu que c'est possible, parce qu'en réalité, les pauvres pécheurs qui sont autour de nous, qui sont peut-être complètement perdus, en réalité, il faut que nous comprenions qu'ils ne sont pas seulement autour de nous, que c'est nous. Si nous n'acceptons pas de voir ça, frères et sœurs, nous ne pouvons pas rentrer dans la vraie et dans le véritable évangile de Jésus. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons d'envoyer ton Esprit Saint pour éclairer nos cœurs, pour nous montrer combien nous sommes de pauvres pécheurs, non pas pour nous accabler, mais pour que nous puissions goûter la puissance de ta miséricorde, que nous puissions sortir de cette église complètement remplie de cette joie du ciel, cette joie qu'il y a pour un seul pécheur qui se convertit, plutôt que 99 bons petits catholiques qui ne font jamais de péché, bien sûr. Seigneur, donne-nous cette joie, donne-nous cette grâce de voir que nous sommes pécheurs, de pouvoir dire « J'ai péché, Seigneur, et je t'aime parce que tu m'as pardonné. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.